Embaucher sans embûche, c'est encore possible? Comment être plus vert sans être dans le rouge? Ou trouver de bonnes informations sur les formations? Être chef d'entreprise, c'est se poser beaucoup de questions. Avec le mouvement des entreprises de France, vous n'êtes jamais seul pour y répondre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur medef.com. France Inter. Bonsoir, dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, 1924, la mort de Franz Kafka. C'est une histoire de littérature, d'amitié et de transmission que je vais vous raconter ce soir, d'amour aussi, celle d'une des voix les plus singulières de la littérature mondiale, Franz Kafka, l'auteur notamment du Château, du Procès et de la Métamorphose. Considéré comme l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, Kafka, à la fois juif, tchèque et allemand, était né curieusement dans un monde il y a longtemps englouti. Celui du royaume de Bohême, une province de l'Empire austro-hongrois, celui où cohabitait à Prague, culture tchèque, allemande et juive. Tout cela sera balayé par les deux guerres mondiales. On peut se demander comment Franz Kafka, cet hypersensible, angoissé et solitaire, aurait traversé les totalitarismes nazis et communistes s'il les avait connus. Car c'est d'un autre mal, la tuberculose, qu'il meurt à l'âge de 40 ans, le 3 juin 1924. Avant de mourir, Kafka avait fait promettre à Max Brod, son ami de toujours, de détruire certains de ses manuscrits. Mais l'ami ne tiendra pas parole. C'est donc grâce à une trahison que nous pouvons lire aujourd'hui le procès et le château. France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. Laurent Sexic, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, auteur de romans qui ont souvent pour personnages principaux de grands écrivains. Il y a eu Stefan Zweig, Romain Gary, il y a eu aussi Albert Einstein. Des romans où la question de la transmission, justement, est très importante. Vous êtes l'auteur récemment chez Gallimard de Franz Kafka ne veut pas mourir. Et c'est vous qui avez écrit l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes. La fin de Franz Kafka, vue à travers le regard d'un ami, Robert Klopstock, un jeune médecin rencontré lors de son séjour au sanatorium de Matliari en 1921. Une rencontre qui, on le verra, ce n'est pas étonnant, va profondément marquer le jeune homme, à vie d'ailleurs. Alors ce n'est pas dévoiler un mystère que de dire que vous-même, Laurent Sexic, vous êtes aussi médecin et grand admirateur de Kafka. J'imagine que vous auriez adoré être à la place de Klopstock, de pouvoir rencontrer Kafka et de devenir son ami. Oui, mais je crois qu'on est tous des amis de Kafka. Oui, c'est ça, oui. Il y a une forme de proximité affective, d'intime, presque immédiat lorsqu'on le lit, peu importe qu'il se soit transformé en cafard, peu importe qu'il essaye d'ascensionner... Allusion à la métamorphose. Voilà, oui, ouais. Qu'il essaye d'ascensionner un château vers des brumes inaccessibles. Il y a une forme de connexion directe, comme tous les auditeurs sans doute, et comme tous les lecteurs de Kafka, j'ai éprouvé cette admiration qui est encore différente de celle pour Zweig ou de celle pour Gary, qui remonte également à l'adolescence et qui a perduré aussi également... comme un rapport au maître. Vous l'avez dit, je suis médecin, on a toujours des rapports à ses professeurs, à ses maîtres en médecine, mais en littérature aussi. Et moi, j'ai essayé d'écrire sur mes maîtres en littérature ceux qui m'ont fait devenir écrivain et ceux qui peut-être ont contribué à me faire devenir un homme. Zweig, Kafka, Gary, il y en a des dizaines d'autres, mais sans doute à travers eux, il y a quelque chose de plus intime qui nous relie et qui nous construit. Il y a une judaïté aussi chez ces personnages. Il y a une judaïté à chaque fois différente, et c'est ce qui me passionne, ce rapport à une judaïté multiple que l'on peut explorer aussi, le rapport à l'écriture, le rapport à l'Europe, le rapport au nazisme et le rapport à la judaïté. La transmission de cette histoire à travers le XXe siècle. C'est aussi mon travail d'écrivain, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à travers les derniers jours de Stefan Zweig, Romain Gary s'en va en guerre, le cas Edouard Einstein est là, Franz Kafka ne veut pas mourir... À chaque fois, pour chacun des romans et pour chacun de ces personnages, j'essaye en filigrane d'établir une sorte de cartographie de la destruction des Juifs d'Europe. Vienne pour les derniers jours de Zweig, Vilnius pour Romain Gary s'en va en guerre, et Berlin pour Einstein, et là, Prague et la destruction des Juifs de Prague, à laquelle, bien entendu, Kafka n'aura pas assisté, mais qui va détruire une partie de sa famille. Alors je disais que Kafka était né dans un monde depuis longtemps englouti, le Prague de la fin du 19e siècle. Pouvez-vous nous décrire d'où vient Kafka, son enfance, sa famille ? Alors c'est une enfance finalement très classique, d'un petit garçon qui vient d'une famille dirigée quelque part par un père à la fois... C'est terrible. Assez terrible et plein d'affection. Et c'est ce qui le rend intéressant. Bien sûr. C'est un père tyrannique. Hermann Kafka. C'est un père qui ne cesse de rabâcher à ses enfants, en particulier à Otla, la sœur de Kafka, une des sœurs de Kafka, et à Franz Kafka, son passé de misère, puisqu'il vient d'assez loin, d'une centaine de kilomètres de Prague, dans un petit village où son père était un petit boucher cachère. Il vient d'un ghetto et il a eu cette ascension qu'ont connu bien des juifs allemands. C'est ou une sorte de self-made man, un commerçant qui a réussi et qui aimerait que ses enfants le suivent sur cette voie. Absolument. Et qui aimerait, avec plein de contradictions aussi, en faire de petits Hermann Kafka, en sachant qu'il y a un drame qui a toujours été tu dans la famille, et qu'on sait peu, ce n'est pas une découverte, mais c'est que Franz Kafka avait perdu deux frères en bas âge, de 3 et 5 ans, ses aînés, et donc que portait sur lui déjà, à la naissance ou presque, le poids de la culpabilité. Oui. Et quand est-ce qu'il commence à écrire, ce jeune Franz Kafka ? Donc il est tchèque, il est juif, mais il écrit en allemand. Absolument. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de cette ville Prague où se joignaient ces trois catégories de gens, les Juifs, les Tchèques et les Allemands, les Juifs au milieu des Tchèques et des Allemands, les Juifs parlant allemand mais étant déjà détestés par les Allemands et par les Tchèques parce que parlant allemand. Vous avez parlé d'une sorte d'harmonie qui avait été détruite par la guerre. C'était une harmonie et en même temps, c'était déjà un conflit larvé. Avec un fort nationalisme tchèque bien compréhensible et l'Empire austro-hongrois qui domine tout cela. Évidemment, il écrit en allemand parce qu'Hermann Kafka impose l'allemand à la maison, parce que l'allemand est considéré comme la langue dominante et la langue qui permettra d'accéder au milieu bourgeois et donc de progresser encore dans l'échelle. Il parle allemand, il comprend évidemment le tchèque, il lit l'hébreu puisqu'il va faire sa bar mitzvah et donc il est à la convergence de ces trois mondes, appartenant aux trois et se sentant étranger partout. Laurent Seksik, je propose qu'on poursuive cette discussion dans une trentaine de minutes. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Tout de suite, nous nous rendons au sanatorium de Matliari en 1921 avec Robert Klopstock qui s'apprête à rencontrer Kafka. 1924, la mort de Franz Kafka, un texte de vous, Laurent Seksik, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Cédric Ossir. Combien diable durera mon séjour au sanatorium ? Le professeur Dietz a eu un silence gêné lorsque je lui ai posé la question. Qu'il aille en enfer. Je ne resterai pas les bras croisés à attendre que les lésions de mes poumons guérissent. Le doyen de la faculté de médecine m'a autorisé à reporter mes examens pour raison de santé. Ma malle recèle une bibliothèque entière de cours. La mémoire a toujours été mon fort. À mon retour à Budapest, j'en remontrerai à tous mes camarades de promo qui m'ont enterré vivant en apprenant la nouvelle de ma tuberculose. Apprendre la médecine et relire tout Dostoïevski suffit au bonheur d'un individu. En tout cas au mien. Qu'aurais-je d'autre à faire que lire et étudier ? Sinon, avaler ces tonnes de litres de lait et ces kilos de crème fraîche censés vaincre le bacille tuberculeux. Peut-être ces interminables journées m'offriront-elles de reprendre l'écriture de mon roman ? Là-haut, aucune excuse. Pas d'amour passionné ou de nuit de garde. Je rêve de guérir, de soigner et d'écrire. Février 1921. Robert Klopstock, un jeune étudiant en médecine hongrois passionné de littérature, est dans le train pour le sanatorium de Matliari sur les sommets des Carpates pour y soigner sa tuberculose. Klopstock l'ignore encore. Mais sur ces hauteurs désolées, il rencontrera un écrivain alors pratiquement inconnu et malade à un stade déjà avancé de la même maladie que lui, qui deviendra son mentor, son ami et son patient. Un cocher est venu le chercher à la gare pour le conduire devant le sanatorium. Avançant vers l'entrée, Ses pas s'enfoncent dans la neige. Il est essoufflé par l'effort. Il monte quelques marches et entre. Le hall conforte sa première impression, avec son parquet de bois de chêne et ses fauteuils en cuir de style anglais. Sur une table basse, des journaux sur leurs baguettes de lecture. Dans un grand vase, des bouquets de fleurs coupés de fraîches dattes. Une large baie vitrée donne sur l'extérieur, près d'une grande cheminée où des cendres brûlent encore. Robert avance jusqu'à la loge et appuie sur la sonnette. Une femme se dirige vers lui. Monsieur Klopst. C'est Madame Forberger, la directrice du sanatorium. J'espère que le voyage depuis Budapest s'est bien passé. Vous avez l'air épuisé. Je vais vous montrer votre chambre. Le garçon d'hôtel se chargera plus tard de monter votre mal. C'est la première fois que vous venez au sanatorium. Vous vous sentirez bien, Matliari. L'établissement est bien tenu. La cuisine parfaite. Le personnel irréprochable. Et des patients en nombre raisonnable. Une trentaine, tout au plus, répartis dans deux bâtiments. Et puis, nous avons un médecin à demeure. Il n'y en a pas deux comme le docteur Leopold Strellinger pour vous rassurer si vous tombez gravement malade. Dans la clientèle, il y a de tout. Des Hongrois de Budapest, comme vous, mais plus argentés. Des Tchèques de Prague. Pas d'Allemands, évidemment. Pourquoi viendraient-ils ici avec les établissements qu'ils possèdent ? Vous rencontrerez une compatriote, Aranka, et sa cousine, Ilonka. Ah, il y a aussi un dentiste du nom de Glauber et aussi un Tchèque, la cinquantaine, qui n'est pas au mieux. Essayez de garder vos distances à ce qu'on dit, la gorge est envahie. J'oubliais, au-dessus de la chambre du Tchèque, il y a un original, grand, pas méchant, mais toujours un peu à l'écart, comme s'il valait mieux que les autres. On raconte qu'il est écrivain. Une toux, un brin caverneuse, si je puis me permettre, jeune homme. Le docteur Strellinger réside à demeure et consulte un jour sur deux. Ses recommandations sont strictes, pesée quotidienne et prise de température 6 fois par jour. Le thermomètre sera sur votre lavabo, rangé dans son étui rouge. Chaque matin, une femme de chambre viendra vous servir le verre de lait et le pot de crème fraîche, également prescrit par Strellinger. Je vous en prie. Merci. Votre suite, jeune homme. Un peu sommaire, j'en conviens, mais tout est du plus beau chêne. Quant au miroir au-dessus du lavabo, ne vous attardez pas dessus. Avec votre mine pâle et votre teint cireux, vous allez prendre peur. Allez, il est temps pour moi de vous laisser. Dormez, vous en avez besoin. Comment s'appelle-t-il ? Qui ? L'écrivain, quel est son nom ? Oh, Kafka ! Franz Kafka, maigre et grand comme il est, vous n'allez pas le manquer. Vous le verrez demain. Nous ne sommes qu'une trentaine dans notre établissement. Tout le monde se connaît très vite. Bonne nuit. Bonne nuit. Lorsque Robert Klopstock arrive au sanatorium de Matliari, Franz Kafka s'y soigne déjà depuis plusieurs semaines. L'écrivain est au désespoir. Sa maladie s'aggrave. À cette date, rares sont ses ouvrages qui ont été publiés. Après l'Amérique, il a terminé sans l'achever un second roman, Le Procès. Il songe à un roman avec un arpenteur pour héros. La maladie de Kafka s'est déclarée 7 ans auparavant, le 13 août 1917. Kafka, âgé alors de 34 ans, s'est réveillé au milieu de la nuit en crachant du sang. À cette époque, la vie semblait enfin sourire à l'écrivain. Il avait enfin quitté l'appartement familial et Kafka donnait pleinement satisfaction à son travail à l'Office des assurances. Il s'était remis à écrire, mais ce bonheur simple ne dura pas. On lui diagnostiqua peu après une tuberculose pulmonaire, pour laquelle, à l'époque, on ne connaît d'autre traitement que le séjour en altitude. De 1917 à 1920, la maladie fut relativement contenue, permettant une conservation de la vie professionnelle et personnelle du patient Kafka. Mais à partir de 1920, elle évolua défavorablement et imposa une succession de séjours en sanatorium. À Matliari, Kafka est tout autant malade qu'en proie au désespoir. Robert Klopstock, le lendemain de son arrivée, découvre le parc où les curistes se reposent dans la journée. Je n'imaginais pas un parc aussi splendide. On croirait celui d'un palace. Les femmes portent des tenues légères. Les hommes sont en bras de chemise, comme si le printemps était déjà là. Mon transat est à distance raisonnable des autres curistes. Ni trop près, ni trop loin. Je ne veux pas qu'on me prenne d'emblée pour un ours solitaire. Madame Forberger vient s'installer à ma gauche et entame la conversation à son autre voisin. Un homme traverse le parc à grands pas. Un type immense et maigre à l'allure juvénile, mais qui doit frôler la quarantaine. Il a le visage creusé, très pâle, une épaisse crinière brune. Il nage dans son costume. Ah, voilà Monsieur Kafka. L'écrivain, donc. Monsieur Kafka, venez, tous vos amis sont là. Un spectre d'écrivain, plutôt. La maigreur et la pâleur d'un spectre. L'homme salue l'assistance d'un geste et vient s'asseoir sur le transat libre à ma droite, Madame Forberger, en lançant un bonjour amical d'une voix grave. Monsieur. Une voix de baryton. Monsieur Kafka, nous sommes tellement ravis de vous voir en si parfaite forme. Finalement, votre bronchite n'aura pas duré longtemps. Mais je parle, il est 10 heures. Le maître d'hôtel doit s'impatienter. À tout à l'heure, Monsieur Kafka. Monsieur Kafka, si j'ai bien compris. Enchanté. Robert Klopstock, je suis arrivé hier. Enchanté, Robert. Pourquoi êtes-vous ici? Vous avez l'air en pleine forme. C'est principalement la fièvre qui a motivé ma venue. Une fièvre légère, mais qui ne cède pas depuis des mois. Il n'y a pas de légère fièvre. Il n'y a que des fièvres exécrables. Mais vous avez plus de chance que moi. La liste de mes symptômes est infinie. Madame Forberger m'a parlé du médecin à demeure. Le docteur Strelinger? Oui. Comment est-il? Que vous a-t-il prescrit à votre arrivée? Tout d'abord, et très naturellement, il a voulu entreprendre un traitement à l'arsenic. Je l'ai ramené à la raison. Il m'a finalement prescrit de prendre du lait 5 fois par jour et 2 fois de la crème. On dit qu'en Allemagne, il dispose des sanatoriums les meilleurs. En Bavière? Il n'accueille volontiers les étrangers que pour les assassiner. Madame Forberger m'a parlé d'un homme occupant la chambre au-dessous de la vôtre. Un tchèque très atteint. Un homme charmant qui souffre de tuberculose laryngée. Il m'avait demandé de venir passer un peu de temps avec lui. Il m'a montré le petit miroir qu'il doit manipuler dans le fond de sa gorge pour irradier ses ulcérations lorsqu'il y a du soleil. Je ne comprends pas que tout le monde ne s'évanouisse pas en sa présence. Ce que nous voyons là, dans son lit, est bien plus terrible qu'une exécution. Cela vous a-t-il déjà traversé l'esprit que, si notre propre maladie évolue, si le larynx est atteint, nous finissions ainsi, nous aussi, comme lui, avec nos ulcérations, nos petits miroirs dérisoires, avec notre gorge envahie et qui nous étouffe. Messieurs, on vous attend pour la collation de 10h30. Vos places sont réservées. Déjà un mois que je suis enfermé là. Je ne devrais pas me plaindre. Mon état s'est grandement amélioré. Ma fièvre est tombée, ma toux a disparu, j'ai repris du poids. Surtout, je bénis le ciel chaque matin que, dans cet endroit de désolation, le sort m'est donné de rencontrer un tel monument de la pensée. Franz Kafka m'a accordé de lire de ses nouvelles. Jamais je n'ai lu des textes d'une telle modernité, d'une telle pureté, d'un sens si profond. Derrière la simplicité apparente de la langue se cache une complexité et une richesse sans égale. Il m'a aussi fait lire un passage de la lettre qu'il a écrite à son ami Max Brod et où il parle de moi. En fait, je ne fréquente que l'étudiant en médecine. Tout le reste est secondaire. Si l'on veut quelque chose de moi, on le dit à l'étudiant en médecine. Si je veux quelque chose, je le lui dis aussi. J'aime cet homme comme un frère. Mais si le séjour dans ces montagnes a amélioré mon état, le sien s'est aggravé. Il a maigri et s'essouffle au moindre effort. Alors vous partez bientôt. Mon séjour prend fin dans une semaine. À la maison, pourtant, tout le monde me supplie de rester, et Strelinger me menace de l'éventualité d'un effondrement total si je retourne à Prague. Vous êtes toujours fatigué. Jamais je n'ai eu de tels accès de toux, ressenti de tels étouffements. Je m'asphyxie parfois. Alors pourquoi partir ? Il faudrait exiger à l'office des assurances qu'il m'accorde un nouveau congé avec un demi-traitement. Mais c'est impossible. Allez, parlons d'autre chose si vous voulez bien. Au petit déjeuner, on m'a posé une question qui m'a fait sourire. Mmh. On m'a demandé si j'avais 3 souhaits à faire, quels seraient-ils ? J'ai répondu en 1, vivre une passion amoureuse. En 2, publier un roman. En 3, aller vivre à Prague. Publier un roman ? Cela ne tiendrait qu'à moi, j'irai frapper à la porte de l'éditeur de mes quelques textes publiés. Je demanderai à Monsieur Kurt Wolf de me remettre tous les exemplaires en sa possession et je les jetterai au feu. Les jeter, c'est impossible. Quant à aller vivre à Prague, à nouveau, je vous répète ma préférence pour Berlin. L'attrait pour Prague est nébuleux. On exagère ses attraits. Berlin est plus propice à la vie. Berlin est un remède contre Prague. Mieux vaut les rues crasseuses du quartier juif de Berlin que le Ring. Quant aux 3 vœux que je pourrais formuler, ce serait... En premier lieu, une guérison approximative. En deuxième, d'aller vivre dans un pays du Sud. En troisième, un petit métier. Vous voyez, je ne suis pas très exigeant. Même une femme et des enfants ne sont pas du lot. Vous n'avez pas besoin de grand-chose parce que la littérature vous donne une raison de vivre. La littérature me fait vivre, c'est exact. Mais il serait plus juste de dire qu'elle me fait vivre cette vie obscure qui a détruit ma vie. J'ai été trop occupé à écrire. Et il me semble ne pas encore avoir vécu. Écrire est ma seule possibilité d'existence et, de même qu'on ne tirera pas un mort de sa tombe, on ne pourrait la nuit me retirer de ma table de travail. Peut-être existe-t-il une forme de création moins destructrice ? Je ne connais que celle-là. Écrire la nuit pour échapper à la folie. À vrai dire, un écrivain qui n'écrit pas est une monstruosité. Le verdict, cette nouvelle que j'ai lue et relue, qui est absolument parfaite dans sa conception, combien de semaines de travail a-t-elle exigé ? Je l'ai rédigée d'une seule traite, dans la nuit du 22 au 23 août 1912, de 10h du soir à 6h du matin. Je suis resté si longtemps assis que c'est à peine si je pouvais retirer de mon bureau mes jambes ankylosées. L'histoire se déroulait sous mes yeux. J'avançais en fendant les eaux. J'ai rédigé la dernière phrase à la clarté du jour. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut écrire, dans cette continuité, avec une ouverture totale de l'âme et du corps. Georg Bendemann, le héros de l'histoire, est-ce que cela vous choque si je dis que c'est un peu vous ? Absolument pas. Toutes les interrelations sont limpides dans cette histoire. Le prénom du héros, Georg, a autant de lettres que le mien, Franz. Frida, la fiancée du héros, possède le même nombre de lettres et la même initiale que ma fiancée de l'époque. Et quand ma sœur a lu la nouvelle, elle s'est exclamée « Mais c'est notre appartement !» Où trouvez-vous la force, l'inspiration, le courage ? Écrire est si difficile. D'abord, il faut la solitude. Beaucoup de solitude. Personnellement, je hais tout ce qui ne concerne pas la littérature. Faire des visites m'ennuie. Les joies et les peines de ma famille m'ennuient. Les conversations m'ennuient, même si elles concernent la littérature. Si je le pouvais, je m'isolerais jusqu'à en perdre conscience. Si je pouvais, je ne parlerais à personne. Suis-je ainsi parce que je n'ai pas la moindre aptitude à vivre dans le présent ? Tout m'apparaît en construction. La moindre remarque d'un autre, le moindre spectacle vu par hasard, bouleverse tout en moi. Je ne sens que la violence de la vie. Pour le dire autrement, Dieu ne veut pas que j'écrive. Mais moi, il me faut écrire. En fin de compte, Dieu est toujours le plus fort. Les questions que je me pose en néophyte vont vous paraître naïves, stupides même. Mais, par exemple, j'ignore s'il faut beaucoup lire pour écrire. J'ai peur des influences, peur de me laisser impressionner par les romans que je lis. Oubliez vos peurs. Tout n'est qu'imitation et influence. Mon roman sur l'Amérique est une pure imitation de David Copperfield. Mais mes véritables parents sont Dostoïevski, Kleist et Flaubert, sans me comparer à eux, bien entendu. Mais cessons de parler de littérature. J'ai un événement à vous apprendre. Un événement ? Un terrible événement. Mon voisin du dessous, vous savez, celui atteint de laryngite tuberculeuse. L'homme qui se traitait à l'aide de petits miroirs dans la gorge. Monsieur Zaltowski ? Oui, Zaltowski. Il avait quitté l'établissement tôt ce matin, sans montre, ni portefeuille ou bagage. Il a prolongé sa promenade jusqu'à Poprad, puis il a pris le premier train. Il a sauté de ce train. Je crois que nous sommes tous ici coupables, non pas de son suicide, mais de son désespoir. Nous l'avons tous fui. Y avez-vous déjà pensé, vous aussi, à en finir de désespoir ? À d'innombrables reprises. Mais mourir ne signifierait rien d'autre qu'abandonner un rien au rien. Et si nous aussi, un jour, nous étions atteints au larynx ? Il est vrai alors que le saut du train serait peut-être une bonne alternative à l'étouffement promis. À l'été 1921, Kafka quitte définitivement le sanatorium pour rentrer à Prague. Son état de santé continue de s'aggraver. Quelques mois plus tard, il contracte la grippe espagnole dont il réchappe comme par miracle. En juillet 1923, alors qu'il est parti se reposer dans la station balnéaire de Müritz, il rencontre Dora Diamant, une jeune juive polonaise. Les deux êtres tombent passionnément amoureux, au point que pour la première et unique fois de sa vie, Kafka consent à vivre aux côtés de la jeune femme et se décide enfin à quitter Prague pour Berlin. Mais l'hiver 1924 est terrible dans la ville allemande, plongée dans la misère d'après-guerre, l'hyperinflation et un froid glacial. Les privations font empirer l'état de Kafka au point qu'il doit en mars être rapatrié en urgence. Le larynx est atteint, signant la fin proche qu'avait prophétisée celle de son voisin au sanatorium de Matliari. Kafka est hospitalisé dans un service spécialisé dans les cas désespérés. Dora et Robert parviennent, contre avis médical, à le faire sortir du service pour qu'il puisse finir ses jours dans un sanatorium paisible à Kierling, près de Vienne. Au début du mois de juin 1924, l'écrivain ne peut plus rien avaler ni rien boire et parvient à peine à parler. En ses ultimes instants, Robert Klopstock est à son chevet. Il a interrompu ses études de médecine pour se consacrer à son ami. Ce matin du 3 juin 1924, il lui a injecté une première dose de morphine pour calmer les douleurs atroces qui minent l'écrivain. Je contemple le corps allongé devant moi. L'âme de Kafka quittera bientôt ce corps. Ou bien, il n'y a nulle âme qui tienne. Rien avant, rien après. La vie est une gare immense et désolée où se croisent des hommes qui ne font qu'attendre des trains qui ne viendront jamais. Pourquoi l'infirmière continue-t-elle à s'affairer ainsi ? Elle humecte ses lèvres, recouvre le front livide sous d'inutiles compresses, psalmodie des mots de consolation. Est-ce la foi qui permet de croire au miracle ? Moi, je ne vois qu'un spasme ininterrompu agiter les épaules et le torse filiforme. Le visage splendide, au front immense, semble combattre la mort. Dans une heure ou dans trois, je vais perdre mon ami, mon mentor, mon frère. Docteur Klopstock, c'est la deuxième dose de morphine que vous allez injecter. La première remonte seulement à 9h du matin. Je sais, Anna, mais il la réclame. Voulez-vous que je refasse une nouvelle perfusion de chlorure de sodium ? C'est inutile, Anna. machine agit, docteur. Regardez. Ses traits se détendent. Ses paupières s'entrouvent. Attendez. Je crois qu'il veut vous parler. C'est bien ainsi. Mais davantage. Davantage. Vous voyez bien que cela n'a pas d'effet. Ne vous en allez pas. Je ne m'en vais pas. Mais c'est moi qui vous quitte. Il s'est endormi, je crois. Vous ne voulez vraiment pas refaire une perfusion de chlorure de sodium? Regardez comme il est déshydraté. Non, Anna. Je vous l'ai dit, c'est inutile. Il rouvre les yeux. Pourquoi prolongez-vous ma faim? Vous me torturez. Vous m'avez toujours torturé. Vous trichez. Vous m'avez délivré un antidote. Robert. Tuez-moi. Sinon, vous êtes un assassin. Juin 1924. Il menace de pleuvoir sur le cimetière de Prague. Une petite foule est venue accompagner Franz Kafka vers sa dernière demeure. À l'avant du cortège, les parents de l'écrivain, Hermann et Julie Kafka. Le père marche, enfermé dans son silence, plongé dans ses pensées. On le croirait pressé de rejoindre son fils. À ses côtés, Madame Kafka, seule dans son malheur de mère. C'est la troisième fois qu'elle enterre un fils. Les deux autres enfants avaient à peine 3 et 5 ans. Puis viennent les trois sœurs, Otla, Vali, Ellie. Un peu plus en arrière, Robert Klopstock soutient Dora Diamant. Tout près, l'écrivain Max Brod, l'ami de toujours. Et derrière, d'autres hommes et femmes, tous vêtus de sombre, portant des parapluies sous le ciel qui gronde. Le cortège arrive à destination. Le cercueil est posé sur le gravier. Le rabbin entonne la prière des morts. « Amen », répond l'assistance au Kaddish. C'est le temps du dernier adieu. Lentement, quatre hommes descendent le cercueil. Puis, chaque femme et chaque homme qui a connu Kafka jette une pelletée de terre. Prague dit son adieu à l'écrivain. « Me voilà seul maintenant, devant les grilles du cimetière. La famille est partie. Le cortège s'est dispersé. Un train m'attend ce soir pour Budapest. Je vais retourner à mes études, reprendre la mascarade des visites, les nuits de garde, la soumission à l'ordre établi, la vie dans les livres d'anatomie, une vie sans Kafka. J'ai perdu un ami, un mentor, un maître, un être d'exception qui abritait un monde en soi. Il me l'avait ouvert. Un monde clos sur lui-même, tout autant qu'infini. Un astre dans l'univers s'est éteint en ce jour. La vie obscure m'attend. Il me semble que nous sommes les derniers. Robert. Ah, Max, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Robert Klopstock, l'ami des derniers jours. Et Max Brod, l'ami des premiers. Avez-vous décidé ce que vous allez faire maintenant? Je vais reprendre le cours de ma vie. Comme si rien ne s'était passé? Non, bien entendu. Quelque chose de majeur s'est produit. Un événement qui marquera ma vie à jamais. Dora et vous aurez vu Franz comme personne n'aura pu le voir. Quelqu'un qui avait fini par faire la paix avec lui-même. Un homme qui ne voulait plus en finir. Désirait enfin et farouchement vivre. Vous savez, à la demande du père de Franz, je me suis rendu hier à l'office des assurances pour rassembler ses dernières affaires laissées à son bureau. Et j'ai découvert un spectacle inouï. Un empilement de notes, de carnets dans le placard. Des cahiers d'écoliers, des carnets à spirale. de petits carnets de notes usés jusqu'à la tranche, tous noircis de la première à la dernière page de l'écriture de Franz. Un trésor qu'un employé de l'office aurait pu consciencieusement jeter à la poubelle. C'est tout bonnement fabuleux. Mais il y a autre chose. Autre chose. Au fond du tiroir du bureau, une enveloppe qui m'était destinée. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Mon cher Max, peut-être ne me relèverai-je plus cette fois. Voici donc dans cette éventualité ma dernière volonté. Au sujet de tout ce que j'ai écrit, seuls les livres Le Verdict, Le Soutier, La Métamorphose, La Colonie Pénitentiaire, Médecin de Campagne et le récit Un Artiste de la Faim sont valables. Tout le reste, qu'il s'agisse de journaux intimes, de manuscrits, de romans, de lettres, de dessins, tout doit être totalement brûlé sans être lu. Doit être totalement brûlé sans être lu. Ton Franz Kafka. Brûle mon œuvre au nom du respect de ma mémoire. Détruis ma mémoire au nom du respect de ma mémoire. Tue-moi sinon tu es un assassin. Pardon ? Je pensais à haute voix. Dora m'avait raconté ces soirs d'hiver à Berlin, quand dans leur chambre, Franz et elle regardaient brûler des pages entières manuscrites. Cette lettre me demande l'impossible. Cette lettre ne demande pas l'impossible. Elle l'exige. On ne peut pas exiger cela d'un ami. De qui peut-on exiger cela, alors ? Mais enfin, vous êtes dans quel camp ? J'ignorais qu'il y avait deux camps. Voudriez-vous que nous allions incinérer le contenu de ma découverte ? Franz ne m'a rien demandé à moi. Et si moi, je vous le demandais ? Vous ne me demanderez rien. Et puis vous avez déjà pris votre décision. Vous ne respecterez pas les dernières volontés de Franz. Vous allez trahir votre meilleur ami. Je vais le trahir parce que je le respecte. Comment peut-on respecter tout d'un homme à l'exception de ses dernières volontés ? Le respect de l'individu ne peut avoir de limite. On respecte ou on ne respecte pas. Je vous parle de Franz. Et vous, vous invoquez des grands principes. Vous parlez philosophie. Je vous parle de morale. Vous voyez de la morale, hein, tout à fait. Vous voyez de la morale à brûler l'œuvre d'un homme ? Le monde doit connaître Franz Kafka, les textes de Kafka, la pensée de Kafka. Et si la pensée de Kafka, c'était qu'il n'y ait pas de Kafka ? Vous voudriez donc que nous ne soyons qu'une poignée de privilégiés à avoir lu une œuvre pareille ? Franz le voulait. Franz pensait que Le Château et le livre sur l'Amérique étaient destinés à ne pas être lus. Et ils étaient destinés à quoi ? Destinés à être écrits, voilà tout. Qui a décrété que l'on écrivait pour être lu ? Vous pensez que l'on peut écrire Le Château ? Consacrer des mois de sa vie, bâtir un monument de la pensée pour le détruire ensuite ? La disparition du lecteur, la négation du lecteur, non. Non. Ce n'était pas cela la pensée de Kafka. Franz n'était pas un nihiliste. Franz décrivait l'effondrement du monde. Nuance. Franz aimait partager ses textes avec d'autres. Il aimait lire ses textes, en public aussi. Combien de fois l'ai-je entendu ? Il voulait être publié, pas à n'importe quelle condition, bien entendu, et cela déclenchait chez lui une angoisse mortifère. J'ai l'impression que trahir son testament, c'est trahir sa mémoire et son amitié. C'est le tuer une deuxième fois. Et je suis immensément triste de penser cela. Et brûler son œuvre, n'est-ce pas l'assassiner une deuxième fois ? Ce n'est pas assurer la victoire des ténèbres sur la vie ? C'est la vie qui doit remporter la partie, Robert. C'est l'humanité qui doit sortir victorieuse de ce drame atroce que nous avons vécu et dont Franz est le héros tragique. Il ne s'agit rien de moins que de préserver l'héritage d'un génie. On va vous accuser d'avoir trahi Franz ? Au nom de quoi parleront mes contempteurs ? Ils ignoreraient jusqu'au nom de Kafka si je ne m'apprêtais pas à trahir Kafka. Peut-être que tout simplement Franz ne jugeait pas son œuvre digne d'être publiée. Sur ce point, je suis d'accord avec vous. Dans les hauteurs où il plaçait la littérature, il pensait que ses écrits n'avaient pas leur place. Et en cela, nous qui connaissons ces textes pouvons dire combien il se trompait. Nous savons que son œuvre entière peut être rangée aux côtés de celle de Goethe, de Kleist ou de Flaubert. Nous savons que le château peut être glissé à côté de l'Iliade. Mais l'Amérique et le château ne sont pas achevés. Vous allez faire paraître une œuvre inaboutie ? Le lecteur ne supportera pas un roman qui n'a pas de fin. Il aura l'impression d'être trahi. Nos propres vies importent-elles par la fin qu'on leur connaît ? Non, la fin n'a aucune importance. La fin est toujours la même. Le cœur cesse de battre, point final. Et les romans de Kafka sont à l'image de la vie. La fin importe peu, seul compte le chemin emprunté. Face à l'arbitraire, les héros de Kafka agissent comme s'ils allaient vivre, comme s'ils pouvaient échapper à l'arbitraire, comme s'ils étaient des hommes libres. Et c'est cette transcendance-là, cette vérité du monde, ce sublime objet de consolation que vous voudriez immoler par le feu. Je ne me sens pas capable d'une telle abomination. Je n'ai pas voulu poursuivre. Je ne me sentais pas le cœur à argumenter pour convaincre Brott. Nous nous sommes quittés avec la promesse de nous revoir. Le lendemain, j'ai pris le train pour Budapest. Seul dans le compartiment, je m'abandonnais à la contemplation du paysage qui défilait sous mes yeux. Je revoyais ce jour, 3 ans auparavant, à l'hiver 1921, où dans un autre compartiment, d'un autre train, je quittais ma vie d'étudiant pour soigner ma maladie en sanatorium. Ce voyage a fait basculer ma vie. L'expérience la plus fascinante et la plus féconde qu'il me serait sans doute jamais donné de vivre m'a précipité aux premières loges de la création, de la souffrance, de l'amour et de la mort. La mort de Franz Kafka de Laurent Seksik avec Robert Klopstock, Eugène Marcuse, Franz Kafka, Charles Morillon, Max Brod, Joachim Salinger, Madame Forberger, Nathalie Kuznetsov, Sœur Anna, Gabriel Pennelier, Bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Bastien Varigo et Dofar Guéride, assistante à la réalisation Laure Chastan, réalisation Cédric Aussire. Vous écoutez Autant d'emporte l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Franz Kafka avec mon invité Laurent Seksik. Depuis si longtemps, tu attends ce qui ne vient jamais. Chasseur d'ombre, chasseur de fantômes. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Ce que tu veux vivre, vis-le. Le temps t'échappe, le temps court, le temps s'enfuit. La chance apparaît, puis disparaît. Ce que tu as sous la main, tu le de suite, dans l'instant, tu vis. Depuis toujours, tu ne sais qu'espérer. La vie, c'est demain, demain, c'est loin. Ce que tu as sous la main, thank you. courant puissant qui te porte. Laisse-le t'emmener vers ton désir. Tu es la route, la poussière, le plaisir. Ce que tu veux vivre, tu le vis. La route sur France Inter, Autant n'importe l'histoire, est réalisée par Anne Weinfeld, assistée de Frédéric Martin, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Tiffany Battistel. Laurent Seixic, je disais en début d'émission que Kafka va échapper au nazisme, il va échapper à la Shoah, au communisme qui s'installe à Prague après la Seconde Guerre mondiale. C'est de la tuberculose, donc il meurt le 3 juin 1924. Ce qui nous semble sidérant avec cette histoire littéraire, mais qui est aussi assez médicale, c'est de voir à quel point la médecine à l'époque est démunie, encore dans les années 20, face à cette maladie. On entend ces malades au sanatorium, on leur donne uniquement du lait et de la crème fraîche. Oui, la médecine est totalement démunie. On a le séjour en sanatorium, le confinement, donc, d'une certaine façon, oui. Et le confinement à l'air pur qui est censé détruire les lésions du bacille tuberculeux en les privant du bacille de corps, en les privant d'oxygène. Et puis il y a sinon ces petits traitements qui ont une efficacité en réalité et qui sont essentiellement à base de lait. Alors, les amis de Kafka sont à ses côtés quand il meurt, notamment donc le jeune médecin Klopstock, qui a décidé de se consacrer à son ami. C'est lui qui l'aide à mourir en lui injectant la dose fatale de morphine. On entend cette phrase terrible de Kafka, « Tuez-moi, sinon vous êtes un assassin ». C'est une phrase authentique qu'il a prononcée. Oui, alors comme d'ailleurs toutes les phrases qu'a prononcées Kafka dans la pièce de théâtre et dans le roman, ça a été un énorme travail de puiser à travers les correspondances de Kafka pour en faire des dialogues. Et donc tous les propos que vous avez entendus dans la bouche de Franz Kafka sont de lui, étaient soit prononcés par lui, soit écrits par lui. Et il y a, à la base du roman, à la base de mon travail, ces dernières paroles effarantes. Robert, tuez-moi, sinon vous êtes un assassin, qui sont extrêmement poignantes, et puis qui sont tellement kafkaïennes, et qui vont accompagner ce personnage Klopstock qui a un destin faramineux pendant toute sa vie, le culpabilisant et le portant à la fois. Ouais. Cet homme qui a donc entendu les dernières paroles de Kafka, qui d'une certaine manière a tué Kafka en lui injectant la morphine que réclamait Kafka et que réclamait sa santé au bord du dernier souffle, va devenir, après un périple toujours sous l'empreinte de Kafka et sauvé du nazisme parce qu'il connaissait Kafka, l'un des plus grands chirurgiens de la tuberculose dans les années 60 à Brooklyn. Alors, parmi les amis présents à la fin de Kafka, il y a aussi donc Max Brod, son vieil ami de longue date. Étonnante, c'est bouleversante cette découverte dans le bureau de Kafka. Donc Kafka occupait un emploi de bureau dans un office d'assurance et il a découvert un peu par hasard ces manuscrits qui étaient là empilés et cette lettre de Kafka lui demandant, exigeant la destruction de certains de ces manuscrits. C'est cela, à la fois un trésor qui aurait dû être totalement détruit, puisque Kafka était un très bon officier agent d'assurance, dans une très grande agence d'assurance pragoise. Il avait entreposé dans son bureau quantité de manuscrits, de récits, de nouvelles, de pièces de théâtre. Et Brod, en allant en quelque sorte nettoyer le bureau à la demande du père, va découvrir ce trésor, ces centaines de pages que nous avons aujourd'hui d'ailleurs, dont nous disposons aujourd'hui, du journal également, et dans un tiroir, cette lettre. Deux enveloppes en réalité, toutes deux lui demandant à lui l'ami des premiers jours, l'ami de jeunesse, on a dit Klopstock c'est l'ami des derniers jours, Brod c'est l'ami de jeunesse, de brûler tout, sauf 5 ou 6 récits et nouvelles. Oui, et il refuse. Et fort heureusement, oui, heureusement alors on lui a beaucoup nous. Reproché, il est considéré par certains comme un traître, Max Brod. Klopstock d'ailleurs, et le Klopstock. Considère comme un traître. Absolument, il y a un vrai débat en réalité, ouais. C'est un débat passionnant auquel ils se livrent tous deux, après l'enterrement de Kafka. Max Brod qui réussira à sauver tous les manuscrits de Kafka le jour de l'entrée des nazis à Prague. 1939. Il réussira à partir... Il partira en Palestine de l'époque avec des valises pleines des manuscrits de Kafka et sa vie durant, il va s'efforcer de faire connaître celui qui fut son ami de jeunesse et d'écrire son œuvre. Une biographie qui fera référence longtemps, qui fait encore référence d'ailleurs. Il va donc faire connaître l'œuvre de Kafka, cela va occuper sa vie. Et d'ailleurs, pendant le nazisme, les œuvres de Kafka et celles de Max Brod aussi sont interdites par le régime. Bien entendu, Kafka va faire partie des écrivains indésirables, des auteurs juifs. Alors on ne va pas le brûler dès 1933 parce qu'il n'a pas été encore publié en Allemagne en 33. Enfin, il n'a pas encore l'écho nécessaire en Allemagne. Encore, c'est un an plus tard qu'il fera partie de cette longue cohorte d'écrivains juifs, dont Zweig, qui a été mis au pilori. Donc Robert Klopstock, on l'a dit, Max Brod, et il y a une autre personne très importante, c'est Dora Diamant, le dernier amour de Kafka, une histoire follement romanesque. Kafka était un grand amoureux, enfin c'était un solitaire, mais c'était aussi un homme assez social, enfin sociable. C'était pas un misanthrope, malgré ce qu'il a pu dire, notamment dans les textes de la pièce, il préférait écrire à tout. Ce fut un grand amoureux, il faut relire ses correspondances qui viennent d'être republiées dans la Pléiade. C'était un séducteur, il y a eu des femmes dans sa vie, c'était un briseur de cœur aussi. Alors d'abord il était très beau, un regard bleu qu'on a du mal à imaginer parce que les photos un regard intense, intense et bleu, d'un bleu pur qui virait au gris. Ses lettres, la correspondance avec Felice, la correspondance avec Milena qu'on connaît un peu plus, celle avec Dora Diamant, sont les plus belles lettres d'amour que j'ai pu lire, en tout cas. Et elles disent tout Prague, et elles disent la difficulté d'écrire. Elles sont un peu le pendant du journal, qui lui est un formidable atelier d'écriture, quand les nouvelles sont le laboratoire du récit, et les trois romans, l'Amérique, le procès et le château, sont des mondes autonomes que Kafka a bâtis. Que va devenir Dora Diamant ? C'est une histoire... Dora Diamant, c'est une histoire en soi, extraordinaire. Elle qui a donc assisté Kafka lors de ses derniers instants, qui a pris la brosse avec elle, avec laquelle elle a coiffé Kafka, et qui va avec cette brosse traverser à la fois le nazisme, puisqu'elle va voir, elle aussi avait... C'est la seule femme avec qui a vécu Franz Kafka. Elle a eu la force de lui faire quitter Prague et quitter sa famille. Elle a brûlé également chez elle, à Berlin, avec Kafka, certaines de ses œuvres. Mais surtout, elle va se voir dépossédée en 1933-34 d'une malle pleine de manuscrits de Kafka par la Gestapo. Ensuite, elle va aller à Moscou, où elle va vivre quasiment la torture d'une NKVD. Elle va fuir Moscou pour se retrouver déportée par les Anglais, comme près de 70 000 juifs allemands, à l'île de Man, épisode qu'on connaît peu. Puis... elle finira par réaliser le rêve de Kafka, un des rêves de Kafka, et elle va déposer cette brosse qui avait coiffé Kafka sur son lit de mort dans un kibbutz, dans ce qui était devenu, après la guerre, Israël. Et cette brosse, elle existe toujours? Cette brosse est parmi les seuls objets ayant appartenu à Kafka. Donc Kafka a échappé au nazisme, à la Shoah, au communisme, et... malgré tout, dans ses œuvres, on a des résonances de tout ce monde-là, du totalitarisme à venir. C'est même au-delà de résonances, c'est un prophète des temps modernes. Zweig est une sorte d'écrivain du 19e, né au 20e. Franz Kafka, c'est un écrivain du 20e qui raconte la fin du 20e siècle et le monde que l'on vit aujourd'hui. Merci beaucoup Laurence Exig, je conseille la lecture donc de votre roman « Franz Kafka ne veut pas mourir » édité chez Gallimard, à lire également le premier tome de la biographie de Rainer Stack, « Kafka, tome 1, le temps des décisions » publié en mars 2023 par le Cherche Midi. Et bien sûr, il faut lire les œuvres de Franz Kafka disponibles chez Gallimard, en poche et dans la Pléiade. « Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui de Temps n'importe l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site radiofrance.fr où, comme d'habitude, j'attends avec impatience vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Samedi prochain, changement complet d'ambiance. Nous partirons en Écosse, 18e siècle, quand Bonnie Prince Charlie, le prétendant au trône, débarque dans son pays pour reprendre son royaume aux Anglais. Une folle aventure terriblement romanesque qui, au son de la cornemuse, se terminera dans la boue et la débâcle de la cruelle bataille de Culloden. Bonnie Prince Charlie, un héros écossais, c'est samedi prochain à 17h sur France Inter.